Chapitre 6e, l'espion. Il est indispensable, avant de suivre Miss Colfax et le docteur Gavarox, de savoir ce qu'est devenu le prisonnier du baron Walker depuis son transfèrement dans la petite maison de Passy. Gavarox, après le départ de Flavia, s'était installé auprès de l'homme endormi et l'avait veillé pendant le reste de la nuit. Le matin venu, il s'était immédiatement occupé de la transformation de la pièce dans laquelle on l'avait transporté, et tout se passa le mieux du monde. L'inconnu, resté seul, après s'être réveillé, se dressa lentement sur les coussins empilés sous sa tête, regarda autour de lui, puis il se leva et se mit à se promener de long large dans sa nouvelle demeure, sans paraître se douter de son déplacement. Sa promenade terminée, il prit une longue pipe posée comme d'ordinaire à côté de lui, la bourra gravement, l'alluma, et suivit d'un œil attentif la fumée du tabac qui montait au plafond en nuages parfumés. Lorsqu'il eut cessé de fumer, il se leva de nouveau et se dirigea vers la porte. Là, il s'arrêta et sembla attendre qu'elle s'ouvrit. Cette petite scène mimée avait eu un témoin invisible à ses regards. Ce témoin était Salavert qui, conformément à la promesse qu'il avait faite de se constituer le gardien du pauvre fou, était arrivé depuis quelques heures chez le docteur Gavarox. Embusqué derrière un judas pareil à celui qui existait dans le vestibule de la maison fermée, il surveillait tous les mouvements du vieillard. Comprenant la signification muette de sa station vers la porte, il entra bientôt, tenant à la main un panier rempli de provisions de bouche. Il déposa le panier à terre près des coussins, mit le contenu sur un plateau et se retira. Nous ne détaillerons pas les moyens employés par le célèbre praticien pour arriver à la guérison dont il s'était chargé. Nous mentionnons seulement que les ingrédients mélangés aux aliments et aux boissons du malade ne tardèrent pas à produire les plus heureux effets. Les accès de folie furieuse auxquels il était sujet devinrent peu à peu moins fréquents, en même temps qu'ils perdaient de leur violence. Il en fut de même de la somnolence, qui, comme on le sait, un des symptômes habituels de cette affection terrible, chaque jour, elle diminuait d'intensité. Ces diverses améliorations avaient eu lieu en moins d'un mois, et Salavert, qui, à l'aide du judas, observait avec grand soin le sujet confié à sa garde, remarqua bientôt qu'il commençait à penser et à réfléchir. De son côté, Gavarox avait, à diverses reprises, cherché à nouer conversation avec lui, il lui avait demandé son nom et la cause de sa captivité, mais sans obtenir de réponse. Quelques jours plus tard, il essaya de faire vibrer une autre corde. « N'avez-vous pas une fille ?» lui demanda-t-il. Le vieillard tressaillit et regarda fixement le docteur. Évidemment, un grand travail se faisait dans sa pauvre tête. « L'enfant, murmura-t-il ensuite, porte sur elle un signe auquel je la reconnaîtrai si jamais je la revois. « Et quel est ce signe ?» demanda vivement Gavarox. L'inconnu se concentra lui-même comme pour évoquer le passé. « La nuit est dans mon cerveau, » répondit-il après un long silence. « Je ne me souviens de rien, j'ai tout oublié. » Le célèbre praticien jugea inutile pour le moment d'insister. Attendant tout du temps, ce grand guérisseur des maladies du corps et de celles de l'âme, l'état de l'ancien prisonnier de Walker était, on le voit, notablement amélioré depuis la cessation de l'action délétère du poison qu'on lui avait administré à petite dose pendant plusieurs années. Ce résultat, toutefois, n'était pas le dernier mot de la science. Le mal était enrayé, mais il restait à faire revivre la raison et à réveiller la mémoire. Deux semaines plus tard, grâce au traitement intelligent de Gavarox, le prisonnier avait complètement recouvré la raison, et les nuages qui pesaient sur sa mémoire s'étaient dissipés comme se dissipent les brumes sous l'action du soleil. Un beau jour du mois de juillet venait de se lever. Une aurore éblouissante avait succédé un soleil plus éblouissant encore. Tout était lumière et mouvement, vie et joie dans la campagne. Dans un ciel clair, çà et là flottaient, poussés par une brise légère, des petits nuages blancs aux reflets chatoyants et nacrés, pareils à des volées de cygnes voyageurs ou des flocons d'écume frangés d'or. Animés par les ardents baisers du soleil, les fleurs répandaient dans l'air tiède et aromatisé du matin les suaves émanations de leurs calices où tremblaient, diamants et perles, les larmes de la rosée. Sur le bord de leur nid de mousse, les oiseaux chantaient en chœur l'hymne du réveil de la nature, où se poursuivaient, joyeux et battant de l'aile, à travers les branches feuillues des chênes, des marronniers, des mélèzes, dont un souffle d'été agitait doucement les verts panaches. Le docteur Cavaroux et son pensionnaire rendu à la liberté étaient assis sous une tonnelle et s'entretenaient en langue lesguienne que le savant praticien avait apprise pendant son séjour dans les montagnes du Caucase. « Comment vous trouvez-vous ce matin ? » demanda-t-il au vieillard. « Le corps est complètement rétabli, » répondit ce dernier. « La nuit qui enveloppait ma raison s'est dissipée et la mémoire m'est revenue. Ainsi, vous vous rappelez maintenant votre passé ? Mes souvenirs sont très précis jusqu'au jour où ma captivité a commencé, mais à partir de ce moment, tout est obscurité dans mon esprit. « Cela s'explique, » dit Cavaroux, « car le misérable qui vous retenait prisonnier versait dans votre breuvage cette poudre terrible qu'on nomme le poison des sultans. « La poussière de diamant !» fit l'inconnu en pâlissant, puis se dressant en menaçant. « Le nom de cet homme, son nom » ajouta-t-il. « Je vous le dirai, » répliqua le docteur, « lorsque vous m'aurez appris le vôtre. » Le convalescent se recueillit pendant quelques instants, puis il répondit « Je me nomme Ben Ismaïl, et je suis le dernier iman des peuples du Caucase. » Le célèbre praticien regarda son interlocuteur avec incrédulité. Il se demandait s'il n'avait pas de nouveau perdu la raison. Celui-ci comprit la pensée du médecin, car un sourire effleura ses lèvres. « Vous ne me croyez pas, » poursuivit-il, « et cependant j'ai dit vrai. » Le premier iman du Caucase se nommait Hamza. Le second, Shamil, le troisième, c'était moi. Le règne de Hamza fut de courte durée. Ne mourut-il pas assassiné dans une révolte ? Interrompit Cavaroux. Oui, et Shamil, dont j'étais l'ami, lui succéda. Il faudrait écrire des volumes, pour raconter l'odyssée merveilleuse de ce grand homme, qui pendant 25 ans, tint en échec l'Empire russe, et dont chaque jour fut marqué par une action d'éclat. Enfin, après 1000 luttes restées légendaires dans nos montagnes, Shamil poursuivit, traqué de retraite en retraite, fut contraint, au mois de décembre 1859, de chercher un refuge dans une saklia, une maison taillée dans le roc, qui, selon nos prévisions, devait être forcée le lendemain. Ce fut autour de cet abri qu'une poignée de nos soldats, écrasés de fatigue et mourant de faim, formèrent la dernière garde du héros. Shamil, après avoir assigné un poste à chacun d'eux, m'ordonna de le suivre dans la saklia. « L'heure est venue, » me dit-il, « lorsque nous fûmes seuls. Voici mon anneau qui te fera reconnaître pour iman du Caucase. »« Si cette retraite doit être votre tombeau, » répondis-je en repoussant son anneau, « elle sera également le mien. »« Lorsque les Russes ouvriront demain cette porte, » répliqua-t-il, « je veux qu'ils ne trouvent ici que moi. »« Mais lors même que je consentirai à vous abandonner, » lui dis-je, « je ne le pourrai pas. Nos ennemis sont maîtres du pays et tout de suite me serait impossible. » Il se leva. « Viens, et tu comprendras. » Il alluma une lampe et passa dans une autre pièce. « Regarde, » continua-t-il. Il appuya la main sur une saillie que formait le rocher. Aussitôt, le bruit d'un ressort mis en mouvement se fit entendre, et un fragment de mur s'ouvrit, laissant apercevoir un escalier étroit taillé dans la montagne. « Cet escalier, » poursuivit l'iman, « conduit au bord de la rivière. Tu la traverseras ? Puis tu iras prendre ta femme et ta fille dans la houle où tu les as cachées, et tu gagneras les montagnes lesguiennes qui t'offriront un surabri. Pourquoi ne venez-vous pas avec nous ? Lui demandai-je. Parce que ma destinée est accomplie, répondit-il, et que j'ai obéi aux ordres de Dieu en remettant le souverain pouvoir dans tes mains. Lorsque des jours meilleurs se lèveront sur notre cher pays, tu n'auras qu'à montrer cet anneau, et nos tribus apprendront avec joie qu'ils ont un nouveau chef. Après avoir prononcé ces mots, il passa son anneau à mon doigt. « Et cet anneau, qu'est-il devenu ?» dit Cavaroux, qui venait de remarquer que Ben Ismaïl n'avait aucun anneau à sa main. « Je vous l'apprendrai tout à l'heure, » répondit celui-ci. « Je savais que lorsque l'émir avait parlé, il fallait obéir, et le lendemain, au soleil levant, j'avais rejoint ma femme et ma fille âgées d'un an, puis nous quittions la houle, n'emmenant avec nous que 2 serviteurs, un jeune lesguien qui nous était dévoué, et la sœur de lait de ma femme. Le lendemain, Shamil s'était rendu volontairement à la Russie, mais s'il n'était plus à craindre, moi je lui succédais dans son pouvoir, et il fallait à tout prix s'emparer de ma personne. L'escalier rocheux qui conduisait à la rivière avait été découvert, et l'on se mit à ma poursuite. La trace de mes pas était encore apparente sur le sol humide. Un officier et quelques soldats franchirent la rivière et suivirent ma piste. Toutefois, nous avions plusieurs heures d'avance sur eux, et j'espérais leur échapper. La crête de la montagne vers laquelle nous nous dirigeons était à pic et complètement nue de tous les côtés. Nous n'en étions plus qu'à 200 pas, lorsque j'aperçus l'officier et ses soldats qui avaient fait un détour, postés sur le contrefort opposé de la vallée. À moins de rebrousser chemin, nous étions forcés de passer devant eux à une portée moyenne de carabine. Que faire? Fallait-il retourner en arrière? Mais c'était tombé entre leurs mains. Fallait-il franchir le plus rapidement possible la passe dangereuse? Je consultai ma femme. « En avant, » dit-elle, « Dieu nous protégera. »« En avant, » répétai-je en prenant la tête de la colonne avec le lesguien. Ce que j'avais redouté arriva. Dès que nous fûmes à portée de l'ennemi, l'officier ordonna le feu. Les balles sifflèrent autour de nous, mais sans nous atteindre. « Feu !» criai-je à mon tour. Deux soldats tombèrent. Nous doublâmes alors le pas, et déjà nous touchions au contrefort de la montagne qui devait nous mettre à l'abri des balles de nos adversaires, lorsque le bruit d'une nouvelle fusillade se fit entendre. À ce bruit, un cri avait répondu. C'était ma femme qui venait d'être atteinte. Je me précipitai vers elle, je la pris dans mes bras, et je me mis à courir vers le contrefort. Pendant cette course, qui dura 2 minutes à peine, je sentais quelque chose de chaud qui coulait sur moi. C'était le sang qui s'échappait à flots de la blessure de ma pauvre femme. Lorsque nous fûmes à l'abri, je m'arrêtai pour juger de l'état de ma chère blessée. Hélas, elle avait été frappée mortellement. Elle eut cependant la force de prononcer quelques paroles. « Je veux que tu ne cherches pas à venger ma mort, et que tu vives pour notre enfant, » me dit-elle d'une voix faible. Je fis la promesse qu'elle exigeait de moi. Alors un sourire parut sur ses lèvres, et son âme s'exhala dans un soupir. Le vieillard, après avoir prononcé ces paroles, s'arrêta et de grosses larmes tombèrent de ses yeux. Le docteur Cabarrox lui prit la main. « C'est assez pour aujourd'hui. Vous achèverez votre récit un autre jour. »« Ce qu'il me reste à dire sera court, » répondit Ben Ismaïl. « Demain, la raison qui m'a été rendue peut m'être retirée, et je veux laisser après moi un vengeur. » Ben Ismaïl continua en ces termes. « J'emportai avec moi celle que j'avais si tendrement aimée, et j'atteignis bientôt l'asile que Chamil m'avait indiqué. Pendant 2 ans que je passais dans la retraite, je me préparais à accomplir la mission dont il m'avait chargé. De temps à autre, j'allais visiter nos tribus, annonçant partout la prochaine résurrection de notre puissance nationale. Après 2 ans d'efforts, nos peuplades commencèrent à s'agiter sourdement. L'agitation s'étendit de proche en proche. Il suffisait d'une étincelle pour allumer l'incendie de la guerre sainte. À partir de ce moment, je n'eus plus qu'une pensée, c'était de me procurer des armes pour combattre. Un soir, comme je revenais d'une tribu voisine, j'aperçus couché sur la route un homme inanimé. Je crus d'abord qu'il était mort, mais après l'avoir examiné, je reconnus qu'il était seulement évanoui. J'entr'ouvris ses lèvres et lui versai un cordial qui ne tarda pas à le ranimer. Au costume que portait cet homme et aux traits de son visage, je compris que j'avais devant moi un étranger. Mais à quelle nation appartenait-il? J'essayai de la langue russe et il ne répondit pas. Je lui demandai alors, dans la langue de mon pays, pourquoi et comment il se trouvait dans nos montagnes. « Avant de m'expliquer, me dit-il, je désire savoir qui m'interroge. « Je suis un montagnard lesguin, » répliquai-je. Il me regarda fixement. « Connaissez-vous le naïb Ben Ismaïl ?» me demanda-t-il. « C'est auprès de lui que je me rends. Qui vous envoie auprès de lui ?»« Son meilleur ami, l'ancien émir que j'ai vu à Kalouga. » C'était dans cette ville que Chamil s'était retiré après sa reddition volontaire. Toutefois, je ne voulus point dire tout d'abord que j'étais celui qu'il cherchait. « Parlez plus clairement, » répliquai-je. « Je suis un officier de fortune qui n'a pu faire de trouée dans son pays, » me répondit-il, « et j'ai eu l'idée de venir dans le Caucase pour y organiser la défense. Vos peuples sont braves, » continua-t-il, « mais ils n'ont ni armes ni munitions. Ils ne savent rien de la stratégie moderne. Moi, je puis leur fournir tout ce qui leur manque, des fusils perfectionnés, des canons et de la poudre. Je puis en outre fortifier vos montagnes et les rendre inexpugnables. Je suis allé trouver Chamil et je lui ai offert mes services. Mais l'émir se sent trop vieux pour recommencer la guerre et il m'a dit de m'adresser à son successeur, au nouvel Iman Ben Ismaïl. Depuis 2 mois, je suis à sa recherche et jusqu'à ce jour, je n'ai pu parvenir à découvrir le lieu de sa retraite. C'est en le cherchant que je suis tombé épuisé de fatigue et d'inanition dans ce désert. Sans vous, je serais mort. Avez-vous quelques preuves qui puissent confirmer la véracité de vos paroles ? Repartis-je après un instant de réflexion. Il sortit de son portefeuille un papier sur lequel je lus ces mots écrits de la main de Chamil et signés de son nom. Ben Ismaïl peut se fier à l'homme que je lui envoie. Lorsque je lus, je tendis la main à cet homme. Venez avec moi. Je suis celui que vous cherchez. Je suis Ben Ismaël. » À partir de ce moment, Frédéric Walker devint le commensal de ma pauvre demeure. « Walker ?» répéta le docteur Cavarox en faisant un soubresaut. « Connaîtriez-vous quelqu'un qui porte ce nom ?» demanda Ben Ismaël en s'arrêtant au milieu de son récit. « Continuez, » dit le célèbre praticien. Frédéric Walker était un homme hors ligne. Toutes les choses qui touchent à la guerre lui étaient connues. Grâce à lui, j'organisais des dépôts considérables de munitions. Encore quelques semaines, et j'allais me trouver en mesure de faire à la Russie une guerre sans merci. Tous ces préparatifs avaient été exécutés dans le plus grand secret, et j'espérais surprendre notre ennemi et en triompher par la soudaineté de mon attaque. Mais il est un détail que j'oubliais. J'avais remarqué qu'une certaine intimité s'était presque immédiatement établie entre Frédéric Walker et la jeune lesbienne Olga, qui depuis la mort de ma chère femme servait de gouvernante à ma fille. « Olga !» s'écria involontairement le docteur. « Olga était belle et je m'expliquais le motif des assiduités de Walker, » continua Ben Ismaël, « et je m'en réjouis, car c'était un lien de plus qu'il attachait à notre cause. Une semaine encore, et le cri de guerre allait être poussé, lorsqu'un soir, après avoir pris le café préparé à la mode asiatique, je me sentis tout à coup saisi de vertige et je perdis connaissance. Ce fut seulement au bout de quelques heures que je revins à moi. Le lendemain, et pendant les 4 jours qui suivirent, le même accident se renouvela dans les mêmes circonstances. Si j'allais mourir, telle fut la pensée qui traversa mon cerveau. Puis je songeai à ma fille. J'eus alors une inspiration. J'appelai Olga, la prenant par la main. « Tu vas me faire un serment, » lui dis-je. « Tu vas me jurer que si je meurs, tu ne te dessaisiras jamais de cet anneau d'or et de ce papier que voici, et que tu les remettras à ma fille lorsqu'elle sera en âge de se marier. « Maître, je le jure devant Dieu, » fit-elle en levant la main vers le ciel. Je retirai de mon doigt l'anneau que m'avait donné Chamil, et je le lui remis avec l'acte de naissance de mon enfant. À partir de ce moment, dit le naïb en terminant, je ne me souviens plus de rien. Ma raison s'est endormie et elle ne s'est réveillée qu'ici. Combien d'années se sont écoulées depuis ce jour? Qu'a-t-on fait de moi? Où suis-je? Je l'ignore. Vous avez été conduit en France et vous êtes à Paris, répondit le docteur. Ben Ismaël se recueillit pendant quelques minutes. Maintenant que j'ai parlé, dit-il ensuite, apprenez-moi le nom de mon bourreau. C'est vous-même qui l'avez prononcé, c'est Frédéric Walker. Frédéric Walker, des mains duquel mes amis et moi, nous vous avons arraché. Alors malheur à lui, car ma vengeance égalera son crime. La justice divine a devancé la vôtre, reprit Cavarox. Dernièrement, il était mourant à New York, et il est probablement mort à 7 heures. Mais une question encore, cet enfant que vous deviez croire perdu à tout jamais pour vous, n'est-ce pas Irène qu'elle s'appelle? Irène? Oui, mais comment savez-vous son nom? Vous la connaissez donc? Elle existe donc? Vous pouvez me la rendre? Irène, mon Irène, elle me serait rendue. Oh, mais non, j'ai mal entendu, je n'ai pas compris. C'est la folie qui me reprend, c'est la folie qui m'a parlé. Irène, Irène. Il ne put achever, il chancela et s'affaissa sur son banc, privé de sentiments. Ce fut en ce moment que Miss Colfax parut. Elle poussa un cri en voyant Liman tomber évanoui et courant à Cavarox. Qu'arrive-t-il donc? Lui demanda-t-elle avec anxiété. Ce ne sera rien, répondit le docteur. L'émotion, la joie, lorsque j'ai prononcé le nom d'Irène. Mais alors elle serait donc sa fille? C'est ce que nous saurons bientôt, dit le célèbre praticien tout en donnant ses soins à Ben Ismaël.